Donc, Lilian, je crois que tu nous as préparé des petits morceaux, explique-moi. Oui, tout à fait. Alors, pour démarrer cette nouvelle émission, on va commencer avec le label Defected. Et voici tout de suite Good Time, signé de Amine et Edge. Allez, on écoute. Bonne écoute. Galaxy, music for happy people. C'était Amine Edge and Dance à l'instant, le Good Times. Vous êtes dans l'émission Refresh 2.0 et je vais laisser mon ami Lilian vous expliquer un petit peu plus ce que c'est. Alors après ce track qui est issu d'un label qui est très cher à notre cœur, je vais vous parler en effet de Refresh 2.0. Alors c'est une nouvelle émission qui reprend les codes de l'ancienne. Alors aujourd'hui toujours avec une super sélection hebdomadaire. Alors pourquoi 2.0 ? Bah déjà nous sommes deux, nous allons être deux à animer cette émission chaque vendredi. Sur deux parties, donc cette fois-ci elle bénéficiera d'une deuxième heure et nous serons heureux de vous faire découvrir justement notre univers. Puis bon, après, deux heures de refresh, donc ça, deux heures de je refresh. Ne peux que être heureux. Exactement, ouais. Mon ami Nico. Et donc, je pense que d'autres auditeurs aussi, moi, depuis le temps qu'on me l'a remonté, c'est une bonne nouvelle, je crois que. Ouais. Justement, aussi le fait d'être deux à animer cette émission, nous allons justement pouvoir vous proposer des nouveautés, donc que ça soit une. Toujours l'actu DJing, alors des invités et des jeunes talents locaux. Et nous aurons le plaisir justement de vous faire découvrir tout ça chaque vendredi. Ok, j'espère qu'on n'aura pas un ton trop France Culture, hein, parce que... On va essayer. On est sur France Culture, Galaxy Culture. Radio Classique. Ouais. Alors tout de suite, nous allons vous laisser avec une nouveauté signée Purple Disco Machine. Alors on vous laisse avec le titre Body Funk. Bonne écoute à tous. Galaxy, music for happy people. Ouais. C'était le fameux Cola de Kamel Fat et Edelbrook. Edelbrook, j'arrive jamais à le dire, mais c'est toi qui vas nous le dire. Ça carbure un peu pas mal hein, en ce moment, ouais, ce truc. Ouais. Hein. Explique-moi pourquoi ça carbure justement, t'es en train d'en parler. Edelbrook, c'est une marque de pièces détachées de carburateurs pour muscle car aux voilà, États-Unis. Justement, on y est, on a le carburateur. Voilà. Et on y est aussi à la source hein, de cette émission, puisque ce titre, on l'a découvert il y a déjà deux mois dans l'émission, La Source. Tout à fait, c'est un titre qui est passé de nombreuses fois à l'antenne de la radio, donc du label Defected, et qui nous a fait danser toute l'été. Et donc, alors pour expliquer un petit peu ce que c'est que La Source à nos auditeurs, La Source c'est donc une sélection de nouveautés, vraiment les titres de la semaine hein, qui sont sortis cette semaine ou qui sont à venir, hein, il y a aussi quelques promos. L'idée c'est de parier sur des titres comme ça, un peu comme celui-ci, en se disant, bon moi celui-là à mon avis il va bien cartonner. Effectivement, donc là sur ce coup-là on a fait un bon pari, des fois on a, faut l'avouer Lilian, quelques mauvais chevals, hein, mais... Tout à fait. On les pique. Mais bon, ça dépend des saisons, ça dépend des crues, ça dépend des cépages. Ça y est, je crois qu'on va avoir un appel de la ligue protectrice des chevaux. Et d'ailleurs, j'aime bien le steak de cheval. Faut pas le dire non plus. Non, faut pas le dire. Steak. On non, va perdre beaucoup d'auditrices. Surtout pas. Si surtout pas. Je suis bio, complètement 100% bio. T'es pas vegan au moins. Je suis vegan, bio et tout ce que tu veux. Ok, ça marche. Donc pour continuer notre petite sélection du producteur, nous allons justement vous faire écouter un morceau du label Monarch. Alors voici le dernier butch sur Galaxy. Je vous laisse à l'écoute, cher auditeur, de ce morceau. Et d'ailleurs, tout bon vegan va se produire à la source également, donc, n'est-ce pas? Tout à fait. Allez Nico, on écoute ce morceau. A tout de suite, ouais. Galaxy. C'est reparti. Galaxy. Galaxy. Vous écoutez Galaxy, l'émission Refresh. Il est 20h passé de 45 minutes. Le temps passe vite, hein, Lilian. Oui, fait. Alors, donc, Refresh 2.0 revisité, donc avec une version un peu plus enrichie. Et toujours donc, le partenariat avec Vinyl Dealer. Alors, en parlant de partenariat, il y a bien sûr le Vinyl Dealer. Il vient nous faire sa sélection une fois par mois, le premier vendredi du mois. Ce disquaire rue des Tremolettes, rue de la Clé, c'était US Import il y a des années. Et un autre partenariat, Lilian, que je vais te laisser présenter. Oui, tout à fait, un partenariat avec DBS. Alors, c'est un nouveau magasin qui ouvre à Lens et qui va nous permettre justement de faire des tests d'équipement, de matériel DJ, et qui justement pourra nous permettre de faire une rubrique sur tout ce qui est l'actu de tout ce qui est matos, DJ, haut de gamme, tout ça, et qui nous permet justement d'exprimer notre créativité musicale. Exactement, donc les coulisses un peu du mix qui intéressent aussi bon nombre de nos auditeurs. Et puis c'est vrai qu'au niveau technique on n'en parle pas toujours. Alors moi je suis assez... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai plus de son, ouais, ça y est. Je suis assez en mélange entre le digital et le vinyle. Et effectivement, donc tous ces produits-là, on va vous les présenter, puisqu'il y a maintenant des tas de manières de mixer, hein, chacun a sa méthode. Et il n'y en a pas une meilleure que d'autres. Je pense qu'il faut laisser la place un peu tout. Et nous, on sera là pour vous tester un petit peu tous ces produits. Voilà, c'est vrai que la musique évolue et le matos aussi également. Donc c'est vrai que c'est sympa de faire un point, de ne pas parler que de nouveautés musicales, mais également de nouveautés matérielles. Alors donc, en parlant de nouveautés musicales, je crois que tu as un truc sous la main de derrière les fagots, un bon titre La Source. Hein, oui, tout à fait, bah, qui colle justement parfaitement avec cette rubrique. Alors je vais vous présenter le dernier Soul Wax, Close to Paradise. Et je voulais justement vous immerger dans cet univers. On éteint les lumières. On a quelques petits trucs à raconter d'ailleurs avec ce titre tout à l'heure, mais on se retrouve juste après le Soul Wax, Close to Paradise. C'est parti. Galaxy. Voilà, donc c'était Soul Wax, Close to Paradise, et comme vous avez pu l'entendre, une multitude d'interviews, je pense que c'est ce qui a inspiré Soul Wax, c'est, je pense, ils sont partis à mon avis à Ibiza, ils se sont dit, allez, on a un micro sous la main, on va enregistrer tout le monde, tous ces gens qui viennent du monde entier faire la fête sur cette île, et c'est très très original, je trouve, comme morceau, c'est vrai que c'est un peu la première fois que j'entends ce type de morceau. Alors, Close to Paradise, je ne sais pas, c'est à toi de nous le dire. Je sais pas, t'es allé déjà à Ibiza, c'est Paradise là-bas? Non, moi j'ai fait que Berlin. Ok, Berlin, bah, l'Espagne. C'est un beau paradise aussi, Berlin. C'est un beau paradise, oui. Alors, donc, musical en tout cas. Je voulais vous annoncer également la venue du mix, hein. Tu vas... Ouais, tout à fait. Alors, nous allons passer en fait à la deuxième partie de l'émission qu'on a surnommée Essential Mix. Donc dans cette émission Refresh 2.0, bah vendredi tout est permis, hein, Galaxy aussi, hein, Nico. Ouais. Donc du coup nous allons vous proposer un mix de qualité, donc chargé de nouveautés, et surtout j'espère que vous allez apprécier nos différents coups de cœur. Je vais pouvoir m'installer aux platines. Exactement, allez, on y va minutes, de ce pas. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Only mix on Galaxy. La musique s'exprime, le DJ et sa voix. Galaxy, il est bientôt 22h, l'émission Refresh 2.0 c'est déjà terminé, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve vendredi prochain avec encore plein de surprises, et avec Nico nous recevrons notre premier invité. Exactement, donc rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube, l'émission sera également suivie d'un mix vidéo que vous allez pouvoir retrouver dès maintenant sur le Facebook. Vous pouvez également réécouter l'émission en replay sur le site de la radio galaxyradio.fr. On vous laisse avec l'émission Galaxy Music for Happy People.